Le président de la Fédération internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, Konoe Dadadelu, et sa suite sont arrivés le 3 décembre à Pyongyang par vol.